professionnel. C'était un choix, on s'y tient et puis on arrive à s'y tenir. C'est un combat quotidien, je dirais. Signe l'épitaphe, bon d'être honnête, la nif me siffle, vélo ça purge. Il méprime gagne comme jette au yen, ça brise le mythe et l'ossature. Trop manque d'infos, les fautifs, c'est reportage toxique. Tes modèles donnent dans la coque, les potiches, les portes à poti. La rancœur, c'est où j'hiberne. Ferme ta gueule, illogique, j'perds. On cherche pas le taf, mais Lucifer, avec sa gueule, l'illusiver. J'suis un spartiate, un placard, déjà de passage. Pas un connard qui nique son couple juste pour deux secondes, déjà de facial. Pas full pogo, j'suis déjà tenté, sous un teaser. Festif ferré, ça roule solo, une dague planquée sous un switcher. Bande d'empotés, va t'emporter, faut que tu navigues. J'cache mes failles et mes démons dans un paquet de fortune à vide. Tranquille la baisse, mais trop qui t'exploite. On se met minable, remplit l'assiette de coquillettes froides. Solide, j'mérite, j'redoute pas l'homme, mais ça part d'ombre. Jolie dérive, c'est fou, j'pardonne, j'm'échappe par fond. J'mets de la lumière sur le fait d'œuvrer dans l'ombre. Faites l'allumette, c'était ta lunaire, m'refait d'œuvrer dans l'ombre. Depuis tout ce temps, j'ai saisi merde, addict à sa partie de façade en exploitant des failles, des saisies nerfs. J'mets de la lumière sur le fait d'œuvrer dans l'ombre. Faites l'allumette, c'était ta lunaire, m'refait d'œuvrer dans l'ombre. Depuis tout ce temps j'ai saisi merde, addict à sa partie de passade en exploitant des failles, les saisies nerfs. J'ai beau planter le crier si fort, si peu de gens connaissent ma vie. À trop se planquer, je fais pas ce qu'il faut et tout se mélange, je me laisse ravir. Je m'épuise à mort, mais je fais l'effort qui viendrait le faire à ma place. Je puise dans le fond, j'y mets la forme, c'est pas pour plaire à la masse. J'ai plus rien de ce gosse qui rêve, elle veut qu'il reste, finir à gaspiller. Je suis pas spilier comme tous, avec le temps, je finirai par plier. Qu'est-ce qu'on est con à râler, cette pointe amère s'étend dans le temps. C'est qu'une galère qui vole dans le vent, puisqu'on est bon caramé. T'espérais quoi? La crainte est sous les toits, pas de belle étoile. On m'a dit fonce, laisse ton empreinte, tout sous mes doigts. Contradictoire, si dans l'approche, t'es sport à port, traîne au déçu. L'histoire dira qu'on est que des hommes et qu'elle a moche, que des déchus. Je combat mes craintes sans cette lumière dressée dans l'ombre. Et que l'être humain tout seul s'esquinte à fuir les siennes, préférant le sombre. Et que, encore une fois, planté quand tout est clairsemé. Comment cueillir dans ce froid le fruit de la paix vu que je l'ai guerre. Je mets de la lumière sur le fait d'œuvrer dans l'ombre. Faites l'allumette, c'était ta lunaire, m'refait d'œuvrer dans l'ombre. Depuis tout ce temps j'ai saisi merde, addict à sa partie de passade en exploitant des failles, les saisies nerfs. J'mets de la lumière sur le fait d'œuvrer dans l'ombre. Faites l'allumette, c'était ta lunaire, m'refait d'œuvrer dans l'ombre. Depuis tout ce temps j'ai saisi merde, addict à sa partie de passade en exploitant des failles, les saisies nerfs. Faire entendre, en jactant qu'un vide que l'on détecte fort, tout en espérant entendre, attend que la vie que l'on déteste forge. Brûle d'impatience que les démontages tendent sous les bras zéro, mais pas de sens. Déplacer les montagnes, tant sous les bras zéro, m'a-t-on dit. Mon cœur parle seul à l'étage pas solo et taudis. Je déclare pas le seum que je détache pas sous l'eau à merde. Mais faire à double tour, la porte sera fracturée. Qu'importe sa fracturée, car seule la merde, les frères à double tour. Mes commentaires, si les peu gens s'enfoncent, aucune issue devant les petits commentaires. Si les deux gens s'en font, sale quart d'heure à vie. Ces phases amères le montre, emmerde le monde quand la moindre misère qui s'attarde à vie. Rythme explosif, sans pétard d'HP, t'as fait d'arrache-pied, dois leur faire voir qu'on le mérite explosif. Tant que la pensée à boîte est presque inébranlable. L'avance, il faut savoir saisir sa chance, donc reste digne et prends-la. J'mets de la lumière sur le fait d'œuvrer dans l'ombre. Faites l'allumette, c'était ta lunaire, m'refait d'œuvrer dans l'ombre. Depuis tout ce temps, j'ai saisi merde, addict à sa partie de passade en exploitant des failles, les saisies nerfs. J'mets de la lumière sur le fait d'œuvrer dans l'ombre. Faites l'allumette, c'était ta lunaire, m'refait d'œuvrer dans l'ombre. Depuis tout ce temps j'ai saisi merde, addict à sa partie de passade en exploitant des failles, les saisies nerfs.